recalé. Il y a un petit problème de décalage, Karma. Juste pas grand chose, mais. Ah, putain, c'est décalé chez moi. Thank you.

c'est joli là, le truc là. C'est pas YouTube. Pierrot, au clavier, Mister Pierrot. Hey Pierrot. Un peu à ça. You're in an uncertain, a real thing. This is gonna go anywhere I flow. Sometimes I believe in time we wish you know. I can fly high, I can go low. Today I gotta meet tomorrow, I don't know. Roulant ça. Fais gaffe, je t'enregistre. T'es prêt? Je t'enregistre. Attends, j'ai fait une bêtise. Ouais, celui-là, il est pas mal le son. Sont pas mal tout à l'heure. Commence.